Les petites histoires de Telmi. La princesse et la boue. Je suis la plus grosse poissarde du royaume. Chaque année, la grande loterie offre à une enfant le droit de passer une journée avec Églantine, notre princesse. Et devinez qui a été désigné pour rencontrer le modèle de toutes les filles, l'ado la plus populaire des réseaux? Moi, Irène Felstrop, 9 ans. Super, non? Eh bien, pas du tout. Je déteste Églantine. À cause d'elle, tout le monde se moque de moi. Tout ça parce que je fais du VTT cross-country. Forcément, dévaler des pistes toutes cabossées à toute vitesse, ça ne fait pas très princesse. Mais moi, j'adore ça. C'est mon père qui m'a transmis le virus. Ça me vaut d'être surnommée la boue par tous les idiots de l'école. Je me souviens très bien du moment de l'annonce. C'était un samedi, à 8h du matin. J'étais dans la cuisine avec papa. J'engloutissais mon petit-déj en étudiant une dernière fois le parcours de ma compétition du jour, et d'un coup, les haut-parleurs royaux ont commencé à scander mon nom. Une minute plus tard, une grande tige à lunettes sonnait. Avec son chignon parfait, son costume bleu étriqué et sa bouche pincée, elle avait l'air sévèrement constipée. « Irène Felstrop, c'est un honneur. Dame Églantine vous attend. » Elle s'est écartée. Une nuée de flashs et de vivas s'est abattue sur moi. Portée par la foule, j'ai avancé, grimaçante plus que souriante, jusqu'à un carrosse flamboyant. On a filé à travers la ville, escortée par les motos de la garde royale. Sur les trottoirs, des tas de gens m'acclamaient. J'étais tellement mal à l'aise que je tournicotais mon t-shirt. « Ne vous inquiétez pas, mademoiselle, cette journée va être merveilleuse !»« Tu parles, ça va être l'horreur, oui. Je vais passer 24 heures avec la cause de tous mes malheurs !» Mais il valait mieux que je souris comme une gentille petite fille pour éviter d'avoir des problèmes. Le carrosse a fini sa course dans la cour du château. Quand la porte s'est ouverte, tambours, trompettes et applaudissements ont retenti. Dans une robe qui lui donnait des airs d'ange, Églantine m'a fait une révérence. Je l'ai saluée, raide comme un piquet. Des flashs ont crépité. On a remonté un long tapis rouge pour s'arrêter sur le perron et saluer la foule. Aux côtés de la princesse, j'avais l'air d'un vieux robot rouillé. Après ça, j'ai eu le droit à une visite privée du château. C'était d'un ennui! Je n'ai pas dit que le château était nul, au contraire. Chaque salle était fantastique. Les peintures, les tapisseries, les meubles et les objets, tout donnait envie de s'y attarder pour ne manquer aucun détail. Mais je devais supporter la princesse et sa tige bleue. Je me contentais de leur répondre poliment en essayant de ne jamais soupirer. Et ce n'est pas l'envie qui me manquait. La mascarade des sourires a continué dans le parc qui regorgeait d'endroits géniaux pour construire des cabanes ou faire un circuit de crosse. Vers midi, on s'est arrêté au bord du lac pour faire un pique-nique. Au début, je faisais exprès d'avoir toujours quelque chose dans la bouche pour ne pas parler à Églantine. Et grâce à ma technique, on a pu terminer de manger en silence. C'était parfait. Après ça, j'ai eu le droit de faire un tour dans la montgolfière royale. C'était juste fou! Tout là-haut, j'avais l'impression qu'un monde d'aventures s'offrait à moi. J'avais un sourire béat, jusqu'à ce que je voie le mont du dragon. C'était là-bas que se déroulait ma compétition. J'aurais dû y être, pour monter sur le podium, et pas ici avec cette idiote de princesse. La journée s'est terminée par un tête-à-tête dans la chambre d'Églantine. Ma maison aurait pu tenir dedans, mais elle était froide, presque triste. Il n'y avait aucun jouet, juste quelques livres et une énorme garde-robe. Si seulement j'avais pu rentrer. Mais j'imaginais déjà les gros titres. Irène, la boudeuse. Dis, Irène, je peux te dire quelque chose? Oui. Tu es différente des autres filles. Comment ça différente? Je suis normale, moi. Pardon, je veux dire que tu es la première fille que je rencontre qui n'a pas l'air heureuse d'être ici. C'est vrai. Oh, je croyais que les filles du royaume voulaient me rencontrer. Pas moi. Mais pourquoi? Parce que je ne t'aime pas. Tu m'empêches d'être moi. Mais je n'y suis pour rien. Ah bon? Et tes vidéos, tes passages à la télé, tes interventions dans les écoles, tu n'y es pour rien, peut-être? Tu donnes l'exemple et tout le monde te trouve tellement génial qu'on doit être comme toi. Mais une princesse doit être un exemple pour les enfants du peuple, non? Et tu ne penses pas qu'on devrait être libre de faire ce qu'on veut? Je ne sais pas. Je suis ma destinée, même si ce n'est pas toujours facile. Tu vas me dire que ta vie est dure? Dur, je ne sais pas, mais en dehors du jour de la grande loterie, mes journées sont remplies de cours où je dois tout savoir par cœur. D'interviews, de séances photos, d'interventions partout dans le royaume, sans compter les compétitions d'équitation et de tennis. Hein? Mais tu souffles quand? Je n'ai pas le temps. J'ai trop de choses à faire pour être à la hauteur de ma fonction, de mes parents et du peuple. Mon papa dit que ça sert à rien de se mettre trop de pression. Une princesse n'a pas le droit de se plaindre. Et tu trouves ça normal? Ça l'est pour moi. Tu te plains, toi? Bah oui, papa dit que c'est bien. Pourquoi? Parce que sinon, tu gardes tout ce qui ne va pas, tu te transformes en cocotte minute, et à un moment donné, tu vas exploser. Alors pourquoi tu n'as rien dit pour cette journée? Je n'avais pas le choix. Mais tu aurais pu refuser. Si j'avais refusé l'invitation, ou pire, si j'étais partie, je n'aurais jamais pu retourner à l'école. Déjà que tout le monde se moque de moi. Pourquoi? Parce que je fais du VTT cross-country, et que c'est pour les garçons. Arrête! Quoi? Tu passes ton temps en pleine nature à rouler le plus vite possible? Oui. Tu fais des compétitions? Oui. Non, mais à quoi tu joues, là? J'adore le cross-country. Mais ce que je préfère, ce sont les courses de descente. Voir les athlètes dévaler les pistes, c'est juste génial. Ah ouais, hein? Eh ben, à cause de toi, on m'appelle la boue. Parce que tu fais du cross-country? Oui, parce que ce sport n'est pas recommandé par Églantine. Ce n'est pas l'envie qui me manque, mais je n'ai pas le droit. Tu es une princesse, tu peux faire ce que tu veux, non? Tu crois vraiment qu'il me laisserait faire un sport où je pourrais me blesser? Après ça, elle m'a posé tout un tas de questions sur ma passion. Jamais personne n'avait été aussi captivé par ce que je disais. Quand je lui ai montré mes dernières vidéos, elle a poussé plein de cris de joie. Ça me donne encore plus envie d'essayer. Je pourrais te montrer si tu veux. Ce serait trop bien, mais mes parents n'accepteront jamais. T'es obligée de tout leur demander? On a frappé à la porte. Puis, la tige bleue est entrée pour nous annoncer qu'il était l'heure pour moi de rentrer. Quand papa a appris que la princesse et moi partagions une même passion, il a rayonné de fierté. Épuisée, je suis allée me coucher avec un regret. Je n'aurai jamais la chance de dévaler une piste avec Églantine. Au petit matin, mon père a surgi dans ma chambre. C'est... Qu'est-ce qu'il y a? C'est la princesse. Elle est dans le salon. Je l'ai trouvée assise sur le canapé, emmitouflée dans une cape comme une espionne. Mais qu'est-ce que tu fais là? J'ai vraiment envie que tu m'apprennes à faire du cross. Mais enfin, madame, vous avez le droit d'être ici? Je ne suis pas obligée de tout demander à mes parents. Je suis la princesse. Et puis, je leur ai laissé un mot. Alors, Irène, tu veux bien me donner un cours? Je veux bien, mais on va avoir besoin de papa. Tu veux bien nous accompagner, s'il te plaît? Oui, s'il vous plaît, monsieur Felstrop. D'accord. Mais promettez-moi de faire attention. J'ai prêté des affaires de crosse à Églantine. On a chargé deux vélos dans le van, direction la Vallée du Sens, le premier endroit où je me suis entraînée. Là-bas, il y a un super chemin qui serpente à travers des bosquets, des clairières et des cours d'eau. Le sourire d'Églantine reliait ses deux oreilles. On roulait tranquillement, mais elle a voulu faire la course. Alors je ne me suis pas laissée faire. Sans la prévenir, je me suis engagée dans la première vraie descente. Tout droit, petit virage à droite, à gauche, droite, gauche, gros virage à droite, petite bosse et hop! Retour sur du plat. Églantine ne s'est pas démontée. Elle a foncé, dérapé maladroitement, mais arrivée sur la bosse, elle s'est étalée dans la boue. Mon père était terrifié. Je me suis précipitée. Ça va? Ouais, j'ai eu peur, j'ai freiné et puis voilà quoi. La boue numéro 2. On a rigolé comme des baleines. Papa était atterré. On a continué notre parcours, mais cette fois, papa ouvrait la marche en faisant exprès d'aller doucement. Dès qu'il y avait un piège, il prévenait Églantine. Je n'ai pas pu m'empêcher de faire le perroquet en répétant tout ce qu'il disait avec une grosse voix. De retour au van, la vue de la tige bleue m'a fait tomber de vélo. Des soldats de la garde royale l'accompagnaient. Papa est devenu blanc comme un linge. « Princesse, veuillez me suivre, s'il vous plaît !»« Je dois repasser chez Irène pour me changer. »« Vous vous changerez au château. Vos parents sont morts d'inquiétude. » »« Alors que j'ai laissé un mot pour dire où j'allais ? C'est une blague !» Vous ne manquez pas de toupet. Vous n'avez pas le droit de quitter l'enceinte du château pour faire quelque chose qui ne colle pas avec mon image. Tout à fait. Vous représentez la famille royale. Vous êtes un modèle. Mais justement, j'ai fait quelque chose dont j'avais envie. C'est bien, non? Cessez vos enfantillages, jeune fille. Et vous, arrêtez d'être une adulte coincée. Pourquoi n'aurais-je pas le droit de m'amuser avec une amie à qui j'ai demandé de m'initier à sa passion et qui s'avère être un sport que j'adore? Parce qu'une princesse pleine de boue, ça ne ferait pas sérieux. Et pourquoi ça? Eh bien, parce que le peuple veut que sa princesse soit parfaite. Ah oui? Eh bien, c'est ce qu'on va leur demander. Églantine a sorti son téléphone et s'est lancée dans un live improvisé. Bonjour à toutes et à tous. Vous allez sans doute vous demander pourquoi je suis couverte de boue. J'ai fait une séance de VTT avec Irène, la gagnante de la grande loterie, et son père. C'était vraiment super. Mais vous savez quoi? On m'a dit que je n'aurais pas dû. Il paraît qu'une princesse ne devrait pas faire ce genre de sport, même si elle l'aime beaucoup, car je peux me salir, me blesser, et que ça ne donnerait pas le bon exemple à la jeunesse du royaume. Je trouve ça idiot, parce que je pense qu'on devrait tous pouvoir faire ce qu'on aime, sans être jugé. Et vous, vous en pensez quoi? Et là, une pluie de likes et de commentaires adorables se sont déchaînés. Forcément, il y a eu un paquet de mécontents et des tas de débats. Mais en tout cas, depuis ce moment, on ne m'a plus jamais appelée la boue. Merci à Irène de nous avoir soufflé le thème de l'histoire. Vous aussi, vous avez une envie d'histoire? Dites à vos parents de nous l'envoyer par Facebook ou par mail. À la semaine prochaine.